Pour la seconde partie de la nuit, Jean Breton nous annonce un temps calme et sec, souvent dégagé, et des températures plus faibles que les nuits dernières, entre 12 et 15 degrés. Demain, temps agréable, ensoleillé ou simplement nuageux, il fera modérément chaud de 23 à 25 degrés. Pour les jours suivants, dégradation pour la fin de la semaine, temps plus couvert, quelques menaces de pluie avec du vent, il fera surtout beaucoup plus frais. Température prévue jusqu'à demain soir. Basse et moyenne Belgique de 12 à 23, beau à nuageux. Haute Belgique Ardennes française, 13 à 22, soleil et nuages. Grand-Duché de Luxembourg, 13 à 23, beau à nuageux. Lorraine, 14 à 25, belle période de soleil. Région parisienne Champagne, 14 à 25, beau à nuageux. Et enfin Vosges, 14 à 24, soleil et nuages.